Amis humains, bonjour. Japon, les touristes pourront bientôt payer par empreinte digitale. Écoutez. Assez effrayant, mais c'est bien la disparition de l'argent liquide qui est mis en avant avec cette alternative qui risque de se multiplier dans l'avenir. Mais c'est sans compter sur les Américains qui ont mis au point une nouvelle technologie d'identification qui serait sûre à 100%. Big Brother dans toute sa splendeur. Dès cet été, les touristes étrangers souhaitant visiter le Japon auront la possibilité d'expérimenter le paiement par empreinte digitale. Une initiative du gouvernement japonais dont l'objectif est triple, rendre plus facile les transactions financières, réduire la criminalité et enfin analyser le comportement des touristes. Le Japon proposera bientôt aux touristes étrangers de payer leurs achats par empreinte digitale. Une mesure, mise en place à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo de 2020, qui vise d'une part à faciliter les transactions financières et d'autre part à réduire la fraude. Le pays a également indiqué qu'il comptait utiliser les données collectées dans le cadre des transactions par empreinte digitale afin d'analyser le comportement des touristes, nous apprend un article du Yomiuri Shimbun. Dans les faits, les touristes étrangers se verront proposer par les autorités d'enregistrer leurs empreintes digitales, données personnelles et autres informations bancaires dès leur arrivée dans un aéroport japonais, comme l'explique The Telegraph. Une fois archivées, ces informations pourront être utilisées par les touristes pour effectuer des paiements, desquels seront directement déduites les taxes non applicables, ou encore attestées de leur identité, le tout en scannant simplement deux doigts sur un lecteur d'empreintes digitales. Testé à partir de cet été, le programme comptera plus de 300 établissements partenaires, dont des magasins, des hôtels et des restaurants, répartis dans certaines des préfectures les plus touristiques du pays, par exemple la station thermale de Hakone-Yumoto ou encore la ville côtière de Kamakura. En cas de résultat positif, le système devrait progressivement être étendu à l'ensemble de l'archipel d'ici 2020. Même si cela n'est pas donné à tout le monde, il est possible de copier les empreintes digitales, la nouvelle technologie américaine en devient alors beaucoup plus dangereuse, puisqu'avec celle-ci, impossible de copier quoi que ce soit, et surtout pas de risque d'erreur possible. Des chercheurs américains ont conçu une technique d'identification qui utilise les ondes cérébrales. Elle serait fiable à 100% selon les premiers tests. Nous pensons que notre technique pourrait être utilisée dans des lieux de haute sécurité, comme l'entrée au Pentagone ou sur la baie d'un lancement nucléaire, avance dans un communiqué Sarah Laszlo, chercheuse en psychologie de l'université de Binghamton, à New York. Avec des collègues experts en ingénierie informatique, elle a conçu un test informatique composé d'une série de 500 mots et images, aussi simple qu'une pizza ou un bateau. Les chercheurs l'ont soumis à 50 personnes, dont ils ont analysé les ondes cérébrales à l'aide d'un casque encéphalogramme. Verdict, les informations reçues pour chaque image ou mot étaient propres à chaque individu, au point que le système informatique était capable d'identifier avec 100% de précision la personne qui avait répondu. Remplacer les empreintes digitales et rétiniennes. En fait, les scientifiques n'ont pas analysé n'importe quel type d'onde cérébrale, ils se sont penchés sur les potentiels évoqués, en anglais, ERP pour « event related potential », des ondes produites par le système nerveux en réponse à une stimulation sensorielle comme une image, et enregistrables par électroencéphalographie. Suite sur sciences.avenir.fr. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.